Nous avons besoin de jeunes gens qui ont soif de connaissances et dont la société n'a pas encore lavé le cerveau. Si la police intervient, vous aurez peut-être besoin de faire diversion. L'intérieur, jugé inférieur, sans fric, parti, génie, tal supérieur, mon ennemi, en métal, sort le liquide, fouille les caves de nos banlieues, que des douilles, mon gilet, protège ma peau, engage des kits, flic, qui dégaine plaque et flingue vite, on se retrouve sur terrain de foot, vengeance, soldat hybride, en banlieue, on se guide et nique ta stratégie, et projet, nos logis, 9-2, 9-4, technologie, âgé de la vingtaine, nos blazes et numéros de sécu, gagé, pas figé, v'la logie. À bout de souffle, quand tu te fais courser, plaqué, esquivant zigzag, les plaques d'argent assermentées, pour 2-3 schlacks, t'es le messie, pour une cible, des cris et des coups de balle durs, frôle ta tête dure, sûr que ça vient de l'intérieur, sans champ de bataille, on décrète des couvre-feux pour les mineurs, mes vaguettes au coin de ma rue, voir qui boucle le quartier, tous moins de 18 habitués, aux arrestations depuis le lycée, tout le monde s'étonne quand on commence à sauter, Alpha Tango, ses bras droits, hurleur Sibi, leurs codes me font marrer autant que leur ville si. C'est que le compte à rebours est bien entamé, les villes s'embrassent, bientôt l'Holocauste armé. Il manque plus que l'armée, vas-y fais-la débouler. Famas qu'on peut jeter de pierre, des jeunes sur des civières. On se tape des barres sur vous, vous qui êtes de l'histoire ancienne, vous, vous bientôt dans le trou. À l'aise dans vos bunkers, de l'extérieur, voici le tome 1 de l'atome bombe. À l'intérieur, comité de bailleurs sonde, tous ces acteurs, ça tourne, scène de vie tournée sans cascadeur. Une guerre enclenchée, combat tactique, micro-guerre entranchée, des têtes tombent, les clans se forment. Union dans l'effort, contre l'État et ses forces de l'ordre, on tire sur la corde, brise cette atmosphère de silence. Manifestation sous bande sonore pour Madame la France, sous sa jupe on ramasse les douilles. Faites donc les cons et on parlera de trouille. Celle qui mue vos caleçons, du parapalme, nos textes en téflon. Ça pue dans nos couloirs, le crime frappe à nos portes, présentation du bleu de bâtard. Messieurs, voici la petite mafia, ces hommes surarmés qui représentent la loi. Loin de la vérité médiatique, c'est face au mur que le coup débraque avec son brolique. Dégradation, c'est de l'intérieur que l'observions les forces d'intervention. Anti-délinquance, drogue, sexe et crime sur les trottoirs de France. Le flic est amorcé, un coup de clic, le chien est déclenché. Six Hour sorti du hall step. Ce doit paraître dans les halls, maintenant il faut se taire. Territoire en occupation, à terre, à terre, à terre, toute population. Je condamne ces putes en faction, au nom de la loi et ses actions. HF funeste contre bandier, c'est de l'intérieur. COMID, COMID. Ramène son cul blanc, j'ai god noir de hardeur, grandit à se faire rougir la peau noire. Chez les bleus, blanc, rouge, 3 kilos d'amande dans la boîte à gants et gland rouge. Pour 2 ou 3, blonde anti-agra. Nos égos, nos logos et harba. Le cœur au sport, toujours fugitif. HF de l'île funeste, actif. À l'aise dans vos bunkers, de l'extérieur, voici le tome 1 de l'atome bombe. À l'intérieur, comité de brailleurs sonde, tous ces acteurs, ça tourne, scène de vie tournée sans cascadeur. Et c'est de l'intérieur, comité de brailleurs, HF Nest.